En Corée, le gymnase de basketball de la cité Chongchun à Pyongyang abritait le 9 le service d'ouverture du championnat national de taekwondo des jeunes élèves pour le prix Pik Jong-il en présence des cadres intéressés, des joueurs, des entraîneurs et des jeunes et enfants. Au championnat ont participé les équipes formées des meilleurs joueurs de la ville de Pyongyang et des provinces et les joueurs de diverses unités comme l'équipe de taekwondoïstes du comité de taekwondo de Corée. Lors du championnat, les matchs de taekwondo et de padou se déroule au musée de la terre sacrée de Taekwondo. Après le service, il y a eu le défilé des joueurs et la démonstration des joueurs de l'équipe du comité de Taekwondo de Corée.